Chapitre 3. Entre la pointe escarpée du Toulinguet et la falaise géante qui, découpée en véritable fjord scandinave, se prolonge pendant plus d'une demi-lieue avant d'aller finir à la pointe de Pentir, la côte s'échancre profondément sur un espace de 600 à 700 mètres pour former une des plus admirables plages de sable que l'on puisse voir. Une plage adossée à des dunes montueuses, remuée comme des vagues, la plage de Penhat. Là, sur cette grève dorée, vient s'écrouler en nappe de neige, en tourbillon d'écume, en vagues folles, l'immense lame de l'Atlantique, que la tempête apporte de l'horizon sans rencontrer d'obstacles, mugissante et furieuse, les épaves y abondent, sinistre témoignage des naufrages qui ont eu lieu dans ces dangereuses régions. Aussi, lorsqu'une barque a péri, c'est en ce lieu funèbre que viennent errer les veuves, les mères, les orphelins, toutes celles qui ont perdu un mari, un fils, un père. Pendant 9 jours consécutifs, il est d'usage dans le pays de venir attendre là que l'océan veuille bien rendre le corps inanimé de ceux qui ont succombé. Si, au bout de 9 jours, la mère n'a rien rendu, elle se décide seulement à prendre le deuil et à faire mettre une croix au cimetière. Jamais plus elles ne reverront celui qu'elles attendaient. Au pied des dunes, vers le milieu, à l'endroit même où s'étalent les derniers flocons des vagues, avant de s'envoler en impalpable poussière de pluie jusqu'au sémaphore perché à quelques 1000 mètres plus loin, une forme humaine va et vient, parfois se baissant pour fouiller les paquets d'algues jetés par la mer, tantôt les bras tendus vers l'étendue mouvante et bouleversée de l'océan. L'aube livide qui commence à éclairer Camaret n'arrive pas encore jusqu'ici et ne dissipe qu'à demi la pénombre grisâtre, laissant comme un fantôme de nuit dans cette excavation où rugissent et se déchaînent toutes les furies de l'ouragan. Des bandes de mouettes, de cormorans, de perroquets de mer, de goélands tournoient en poussant d'aigres cris et volent entre les rochers, se baignent dans l'écume de ces monstrueuses vagues projetées par une mer d'encre vers un ciel de plomb. C'est un gouffre vertigineux, un bruit de milliers de chaudières en ébullition, des détonations terribles dans les profondes cavernes s'ouvrant sous le Toulinguet, une folie des éléments en fureur. Cependant, parfois, dans une seconde d'accalmie entre 2 chocs grondants, une voix perce ce fauve hurlement de la nature, une mince chanson s'élève, souple, gracieuse, d'un doux bercement monotone, et des paroles gémissent. « Ah, glévasté, pèse à la varas d'endoué, d'arroué gradlon en ispé. » Boum, boum, fait la mer, mugissant son infernal accompagnement à ce chant de Bretagne qui déroule sur la grève la tragique légende de la submersion de la ville d'Is. Puis de nouveau le chant, les rudes syllabes gaéliques qui bourdonnent. « As-tu entendu ? As-tu entendu ce qu'a dit l'homme de Dieu au roi Gradlon qui est à Is ?» Et que la basse profonde de l'océan étouffe encore. Le jour se lève, des teintes de cuivre glissent au loin sur les flots, comme pour mieux éclairer cette scène de désolation et d'horreur. Pas une voile en vue, partout des tourbillons, une rage de destruction, une poussée de toute l'Atlantique contre cette côte bretonne qui tremble, s'émiette, mais résiste de ses rocs déchiquetés à cet assaut sans fin. Tout semble devoir s'engloutir sous ces longues rangées de lames formidables. Elles s'enflent, montent les unes par-dessus les autres, puis roulent sur elles-mêmes et viennent abattre d'incessantes nappes de neige jusqu'aux pieds de la chanteuse. Une grêle et mignonne créature au milieu de cette immensité. Petite, les cheveux blonds arrachés de la coiffe blanche par la rafale et répandus sur les épaules en mèches éparses un peu partout, fouettant les yeux, les joues, une chevelure d'un blond déteint, décoloré. Là-dessous, des yeux vifs, clairs, brillants ainsi que de purs miroirs, éclatant en merveilleuses fleurs bleues dans cette face de pauvrette, dévorée de taches de rousseur, mangée de rouille comme une lame d'acier vierge, constamment exposée au vent humide et poisseux de la mer. Mais sous cette croûte de hâle, une peau très blanche dont on aperçoit un coin par un entrebâillement du col. C'est Yvonne Guivarc. Pauvre et charmante épave, on la croirait jetée là par la tempête. Partout, toujours, on la retrouvait ainsi, roulée de la lande à la grève, des sables fins de Penhat aux roches cyclopéennes de Penhir. Du village à la plage, elle allait, sans cesse par les chemins, par les sentiers, par les rochers, égrenant au vent sa folie, jetant autour d'elle sa chanson tantôt triste, tantôt gaie, froissant du pied les herbes des grandes landes sauvages, d'où montait un arôme délicieux, errant à travers les chardons bleus de ses dunes, semblables à des vagues bousculées jusque-là par le souffle de l'Atlantique et soudain pétrifiées. En elle semblait s'être réfugiée l'âme superstitieuse de la vieille Bretagne, l'antique armorique avec ses légendes, ses contes, ses croyances fantastiques. De ses lèvres coulaient, comme d'une mystérieuse source intarissable, les récits étranges, les vieux chants de bravoure ou d'amour, qui prenaient une allure plus frémissante, jaillissant de ses lèvres inconscientes, tandis que ses yeux fixes luisaient d'un éclat de cauchemar. Lorsqu'il fut près de 6 heures, au moment même où tant de signaux inquiétants se balancèrent au mât du sémaphore, portant l'inquiétude à Camaret, voilà que la mer se mit à commencer à descendre et cessa de lécher la base des dunes de ses vagues les plus avancées. Une première ligne d'écume sèche, de varech, dessina comme un feston géant tout le long de l'immense plage, et l'eau venait mourir plus loin, s'étalant en nappe de plus en plus reculée, ne ramenant plus dans son mouvant rouleau les débris de toutes sortes qu'elle crachait devant elle, les oursins gris ou violets, les morceaux de bois, les transparentes méduses, tout ce que la colère de l'océan mâchait depuis de lentes heures d'agonie. Yvonne suivit cette mer qui semblait maintenant la fuir, après avoir paru vouloir l'envelopper de son formidable et mouvant linceul. Ses pieds nus s'imprimèrent dans le sable mou, où l'eau montait tout à coup, après chaque pas, dans les traces moulant la forme des doigts et du talon. Au loin, sous l'encre de l'horizon, entre le noir du ciel et le noir de la mer, c'était toujours la même fureur, la même lutte, les mêmes combats farouches. Au bord, par cette marée descendante, les vagues s'élevaient moins haut, revenaient parfois avec le renflement d'une colère momentanée, pour s'enfuir un peu plus loin. Et l'innocente marchait toujours, sa chanson aux lèvres, versant sur cette irritation le baume apaisant de sa voix de caresse, l'huile fascinante de ses mélodiques tendresses. Elle ne vit rien, ni le bâtiment en détresse, que l'on avait aperçu dès les premières lueurs frisantes du jour, se débattant tout là-bas, entre les écueils du Toulinguet et les premiers des pierres noires, ni le canot de sauvetage, bondissant entre les montagnes liquides qui semblaient à chaque moment vouloir l'engloutir. Ses yeux bleus ne fouillaient avidement que la nappe d'écume roulant sur la grève de Penhat. Son attention ne se portait que sur les épaves de toute nature, noyées dans le remous qui venait battre la base des falaises. À chaque instant, son esprit partait pour des pays radieux, enchantés, lui faisant oublier pourquoi elle était venue là, sur cette grève aux funèbres souvenirs, sur cette grève des trépassés, elle aussi. Puis, à d'autres moments, elle se jetait à genoux, fouillant le sable de ses ongles, avec un lamentable cri de douleur. « Oh, oh, mon petit, mon cher petit frère, est-ce bien toi cette fois ? Oh !» Ce sont les flots du Pacifique qui roulent sans doute le corps du pauvre Hervé, entre les récifs de corail et les grèves inconnues d'îles maudites, à moins qu'il ne soit devenu la proie des requins et des monstres marins. Qu'importe à Yvonne, c'est ici qu'elle l'attend depuis des années, sans se lasser. Parfois elle prêtait l'oreille, séduite, comme attirée par un son de cloche venant de la haute mer, et le chant jaillissait aussitôt de sa gorge, formant l'accompagnement de cette musique mystérieuse, pleurant à intervalles inégaux, montant de l'abîme, un tocsin énigmatique, un glas surnaturel, sonnant les derniers moments de ceux qui luttaient là-bas, dans le vent et dans les vagues, contre la mort. « Aglevaste, Aglevaste, as-tu entendu ? As-tu entendu ? Des inflexions souples, une modulation qui tâchait de se marier avec cette cloche résonnante et si impressionnante. Cloche d'une bouée immergée à plus de 7 000 au large de Penhat pour signaler la perfide chaussée de la Vendrée. Au loin, des hommes se débattaient contre l'enlaçante caresse de l'Atlantique, tentaient de fuir ces mortels baisers. Ici traînait, au ras des dernières baves de la géante altérée de vies humaines, la plaintive mélopée bretonne, suivant pas à pas le flot qui fuit toujours, contournant les rocs noirs et roux de l'énorme masse du Toulinguet, rebondissant sous l'écho des hautes grottes, où elles viennent remplacer le vacarme de tempêtes qui y grondaient quelque temps auparavant. Des heures passèrent sans que la jeune fille se lassât d'errer sur la grève humide, oubliant la faim, le froid, le temps, ne s'apercevant de rien, tout à son idée fixe qui lui faisait explorer les cachettes de la falaise, les creux d'eau, le fond des grottes. Parfois, sur ses lèvres, au milieu de la chanson, éclatait sans raison un rire terrible, un rire sans fin, à pétrifier le cœur dans la poitrine, à glacer le sang dans les veines, un rire qui bondissait et, entre deux accès, un nom, toujours le même, lancé en appel. Jean-Marie Hervé ? Ensuite d'autres chansons, des mots sans suite, des choses que voyaient seuls ses yeux fixes, flambeaux étranges éclairant des scènes que nul ne pouvait apercevoir, des visions se dessinant pour elle seule dans le jeu fou des nuées, dans l'enlacement compliqué des vagues se croisant devant elle, dans les teintes changeantes de la mer. Elle parle, de sa voix coupée de brusques rires. Ils sont jolis, ils sont beaux, des amours, de vrais amours, je vous dis. Ils sortent de leur maison là-bas, tu sais bien, près du boulanger. Ils se rendent à l'église. C'est à mourir de rire. Ils ont dressé une chapelle. Oh, c'est splendide. Tu dis la Proserpine, hein ? Un beau bateau, il ira loin, au bout du monde. On le recevra dans des palais et il me rapportera des bijoux, des belles robes. Tu verras. La Vierge ? Tous les saints ? Ce sont eux qui font un bel accueil à mon Jean-Marie Hervé. Quelle belle cérémonie ! Comme tu es drôle ! Maintenant le flot remonte, moins violent, moins grondant, et pourtant tout est noir, toujours noir. Pas à pas, Yvonne recommence sa promenade, laissant parfois la vague baiser ses pieds nus. Elle a retrouvé dans le sable l'empreinte de ses pas. Elle se baisse pour les examiner, étonnée, ravie, murmurant. « Il est venu, vous voyez ? Il a profité de ce que je n'étais pas là. Oh, comme je lui aurais fait un beau lit au fond de la grotte, un lit avec des goémons très épais, un doux lit de marine. Il est venu. » Peu à peu, les lames, plus longues, plus menaçantes, la chassent, et elle se tourne vers la mer, la main levée. « Fille la jalouse ! Tu veux me le reprendre ? Tu ne l'auras pas ! Ce n'est pas bien, non ?» Son rire recommence, plus éclatant dans le rugissement moins fort de l'océan. « À mourir de rire !» Elle interpelle de nouveau l'océan. « Il ne t'écoutera pas, va ! Tu as beau faire, je sais de belles chansons que tu ne sais pas, moi !» Sa voix module, moitié caresse, moitié défi. « Aglaveste ? Aglaveste ? Hein ? Fais-en autant !» Elle prête l'oreille, semble écouter et rit bruyamment. Ce n'est pas ça, pas ça du tout. Tu as une trop grosse voix, tu fais ouh, ouh, ouh, ouh, ça fait peur cela. Non, il ne t'écoutera pas. Le jour baisse, le temps s'assombrit rapidement, les nuées pèsent sur les flots moins secoués, bien que le vent continue. Traquée par la marée montante, Yvonne est, comme le matin, au pied des dunes. « Tu me chasses, mais je reviendrai. Il est à moi d'abord, à moi seule. » Elle jette son appel. « Hervé ! Jean-Marie Hervé ! » « Yvonne, est-ce possible ?» Un homme est près d'elle. Un homme l'enlace de ses bras. « Yvonne, ma chérie, me voilà !»